الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فكون كونتيني توجور dans la lecture de cet ouvrage. Donc l'auteur dit وهذا يقرر أفكار القطبية. Donc on en a un qui reconnaît et qui confirme les pensées et les idées des Qutbi. وذاك يدعو إلى الحزبية. Un autre il appelle au sectarisme, al حزبية. وهذا يحمل أفكارا تهيجية. Et un autre il a des idées, des pensées تهيجية, c'est-à-dire c'est chauffer les foules, chauffer les masses. C'est ça ce qu'on appelle تهيج, comme font certains du haut des minbar ou dans leur cours agitateur de masse, hein, comme ceux qui sont du haut des minbar en train de parler sur les gouvernants ou sur parler tel problème pour chauffer les gens, hein, chauffer la masse. Comme Ali Belhadj. Ali Belhadj, qu'est-ce qu'il faisait en Algérie? Il y avait de la foule qui venait à ses khutbas. Mais c'est pour écouter quoi? Pour écouter seulement pour qu'ils les agitent. Hein? Comme peut-être que certains le font aussi chez vous ici. Hein? Certains khatib qui le font le Jumu'ah. Hein? Un beau jour ça leur prend, comme ça ils veulent agiter la foule. Et le fait de parler du haut du minbar sur les gouvernants, ceci ne fait pas partie de la voie des pieux prédécesseurs. Car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre l'exemple de celui qui voudrait un changement vis-à-vis du gouvernant ou un conseil à donner au gouvernant. Le gouvernant c'est un être humain comme toi. Pourquoi? Et c'est pas que les gens, les gouvernants qui ont besoin de conseils. Lui il a besoin de conseils. Si tu as la capacité de lui donner un conseil, vas-y, va lui donner un conseil. Si tu t'en sens pas capable pour X raisons, fais passer le message un savant, une personne faisant partie de l'autorité qui lui pourra lui transmettre. Trouve un moyen, mais pas ouvertement. De même que tu n'as pas à parler sur ton frère ouvertement et dire ses défauts et dire ce qu'il fait comme péché, tu n'as pas à le faire en premier lieu sur le gouvernement. Parce que le gouvernement, s'il est musulman, c'est ton frère en islam. D'accord? Donc, lui aussi, les règles de l'islam, elles le concernent. Même de ce côté-là, ça c'est d'une. Et puis deuxièmement, il y a des tests spécifiques au comportement à avoir vis-à-vis des gouvernants. Donc c'est encore bien plus précis, qu'on a encore moins le droit de le faire. Et un autre, hein, il fait une tente pour ramasser les gens. Hein, ça c'est un peu dans l'Arabie, ils ont ce côté-là, ce sont les gens qui ont un peu des idées d'Ikhwan ou de Hizbiya, qui aiment bien faire des campings. Hein, les campings, il y a le Mukhayyab, ce qu'ils appellent le Mukhayyab. Même en France, l'Ikhwan, on a en France, l'UIF, hein, le Château Chinon, ils font pendant l'été, soi-disant pour entraîner je ne sais pas quoi, les jeunes à faire quoi. Tout ceci au nom de la salafia. Donc ces personnes-là qui se sont reportées à la salafia, mais qui directement se sont attaquées à la da'wah sans avoir cherché la science bénéfique pour nettoyer tout ce qui a enlevé de fausses idées, de fausses convictions d'auparavant, qu'est-ce qui se passe? Et bien elles se retrouvent à faire des choses au nom de la salafia, mais qui sont non conformes à la salafia. فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. Donc le secours, on s'en remet à Allah, et c'est à Allah qu'on se plaint, et certes nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. الثاني, donc ça c'était le premier fondement qu'on avait vu. Donc pourquoi il fallait la science bénéfique? Pour deux choses. L'un, c'était le domaine des ambiguïtés, comme quoi elles sont attachées au cœur et à la raison, et on a vu tout ce qui a été dit dessus. الثاني أنه قد تعصف بك شبهة عاصفة. La deuxième, c'est qu'une شبهة, une ambiguïté, peut venir à tout moment. Elle peut te tomber dessus. Même si tu ne l'avais pas, mais elle peut à tout moment te venir, cette ambiguïté. فتغير مسارك وطريقك في التوبة إلى السلفية. Et à cause de cette ambiguïté, elle, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te change de chemin. Elle te fait changer de chemin, hein, lors de ton repentir vers la salafia. Elle te fait dévier pendant ton repentir vers la salafia. فَتُصْبِحُ حَائِرًا فِيهَا. Alors, et tu deviens quoi? حَائِرًا فِيهَا. Tu sais pas. Tu es dans le doute. Tu réfléchis dessus, sur cette chouba. Alors, qu'est-ce que tu fais? أو داعيا إليها. Ou alors, au contraire, tu l'as prise et tu appelles à cette ambiguïté. ظانا أنها الحق. En pensant que c'est la vérité. En pensant que c'est la vérité. وهي الضلال عينه. Alors que c'est l'égarement lui-même. وكم تلاعب أقوام يدعون العلم والسلفية بالشباب التائب إلى الله. Et combien certaines personnes qui prétendent avoir la science et avoir la salafia ont joué avec les jeunes qui se sont repentis à Allah. Hein? Et ça, on le voit. Ils viennent jouer les salafis parce qu'ils trouvent devant eux que des jeunes salafis. Hein? Une fois, encore pire, c'est quand les gens ils sont vraiment grillés. Une fois, il y en a un, on voulait prendre rendez-vous avec un pour discuter avec lui, qui a étudié à Médine et tout. On voulait un peu, parce qu'il traîne trop avec les frères musulmans, et qu'il préfère être avec eux qu'avec les, avec les salafis. Et un frère, il avait dit qu'il allait l'inviter, nous inviter. Donc on avait été à son invitation pour un peu discuter. Il nous a ramené quoi? Un frère musulman avec lui. Costume, cravate, pas de barbe, rien du tout. En plus, c'est un membre de JMF, les jeunes musulmans de France, qui sont en France. Hein? Vous devez connaître ça. Et donc, et cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Masha'Allah, Shabab, Masha'Allah. Il a dit, nous, tiens, on était comme vous et tout. Voilà. Après, il dit, Allah al-Mustahan, je vous conseille les livres d'Ibn Taymiyyah, de l'Aqida. Moi, je le regardais comme ça, je dis, mais c'est pas possible de faire ça, quoi. Il se moque de qui, ça? Non, mais c'est la réelle. Mais ces gens-là, ils se moquent de qui? Ils se moquent de qui? C'est pas leur discours. Arrêtez, c'est pas votre discours. Arrêtez, parce que vous vous trouvez devant des jeunes. Vous voyez bien que ça ne marchera pas de leur raconter n'importe quoi. Vous voulez ramener des paroles. Et ça passe pas en plus. Ça passe pas parce qu'on voit très bien que c'est pas voulu. C'est pas, ça vient pas du cœur, ce genre de paroles. Ils disent des paroles que nous, on veut aimer. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Alors j'en avais d'autres qui vraiment se prétendent être salafis et qui vraiment, les gens qui ne connaissent pas peuvent les prendre pour salafis. Vous ne mettez plus les doutes. Hein? Quand ils vous parlent des autres, c'est vrai, ils ne prient pas sur les autres jamaat et tout. Ils par exemple sur l'établir. Wallah, je prie Allah qui. Peut-être qu'Allah il va leur pardonner à ces gens tellement qu'ils sont sincères. Pourquoi tu ramènes ça, ce genre de paroles? Nous, on ne rentre pas dans le domaine d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah il pardonne, il a châtié. C'est contre Allah, c'est contre nous. Mais nous, les jeunes, montrent la vérité aux gens. Et quand ils parlent des salafis, wallah, il est plus fainéant dans le da'wah, ce sont les salafis. Wallah, il est ulama, wallah, Allah al-musta'an. Ils ne viennent pas s'ils ne vont pas à l'hôtel. Pourquoi tu ramènes tout ça? Tu passes sur les salafis de cette manière-là, hein? Tu rabaisses et tu parles des petits problèmes des fois qu'on peut retrouver chez certains. Tu parles, t'en parles comme ça. T'en parles comme ça, les gens disent, ouais, si c'est vrai, il a raison. Et quand tu parles des autres, tu ramènes leur bon côté. Allah al-Musta'an. C'est grave ça. Qu'est-ce que tu cherches par là? Et qu'est-ce que ça a à voir ça avec l'ilm? Et avec l'enseignement du ilm et le prêche du ilm? T'es venu pour nous raconter ça? Ça, c'est grave. Et ça, combien? On voulait revenir à Salafia, mais des gens en ont profité pour les délier de la. Même au nom de la salafia. D'autres n'ont même pas eu honte. Surtout c'est nous les vrais salafis, les autres ce sont les salafis anciens, ça. C'est une vieille salafia. Ils comprennent pas que la salafia doit avancer avec le temps. Comme Abdurrahman Abdul Khalq. Ils appellent les salafis Ad'iya ou Salafia. Les prétendants à la salafia. Et ils parlent par exemple sur le Cheikh Mohamed Amin al-Shinqiti, Rahimahullah Ta'ala, Sahib Adwa al-Bayan. C'était son professeur à l'époque, Fuljamira. Et il dit sur lui, Ils ont lu que c'était une aïe, un signe parmi celui d'Allah dans la mémoire, la mémorisation du Coran et des vers de poésie, et ainsi de suite. Mais dans la science. C'est-à-dire, rarement j'ai vu quelqu'un expliquer le Coran comme il le faisait. Mais concernant les choses de ce bas monde, il n'y connaissait rien. Il n'a même pas accepté que l'homme ait monté sur la lune. Allah, il suppose ça. Qu'il est monté, il n'est pas monté, on s'en fiche. Que ça va, nous, avec notre. Il n'a pas rejeté un verset coranique, non. Il n'a pas rejeté un hadith du prophète, non. Ah, il est où le problème? Que l'homme, il est monté sur la lune, ou il n'est pas monté, même des koufars, ils ne l'ont pas reconnu. Comme Cheikh Rabbi le précise dans son livre, en réfutation aux paroles de Abdurrahman Abdul Khalaf. Il le dit. Même des koufars à l'époque, des magazines ont réfuté que l'homme est monté sur la lune. C'est pas seulement certains musulmans. Ils disent, ouais, mais Cheikh Ben Baz, il reconnaît même pas que la terre elle bouge alors que la science moderne elle le reconnaît. Et alors, il n'a pas rejeté un verset. Vous, c'est les Khouan, Moshémi, c'est ce qu'il ramène. Vous, l'essentiel pour vous, c'est de reconnaître la science des koufars. Mais de reconnaître les versets coraniques clairement et les hadiths, ça vous en foutez ça. Ça n'a pas de problème. De rejeter un verset ou un hadith, c'est pas un problème ça. De vous moquer, de vous taper des rires sur des hadiths du prophète, ça c'est pas un problème. Ça, tout ça, c'est tout à fait normal. C'est normal, on a le droit. Pourquoi? Parce que ça, le koufar, il s'en fiche de ces choses-là. Les gens, c'est de montrer l'islam, un islam que les koufars vont aimer. Et les juifs, les chrétiens ne t'agriront jamais jusqu'à ce que tu suives leur chemin. C'est quoi cette manière? Wallahi, c'est très grave. Ils veulent ramener l'islam, soi-disant, il faut que nous, on donne l'image de l'islam, une image que les koufars vont accepter. Et si on vient avec cette image-là, ils ne vont pas l'accepter. C'est faux. On vient avec l'islam authentique. Convenablement comme le prophète Hassan. Comme quand il a été rejeté par Quraysh. Ou quand il a été rejeté par les gens de Taïf. Il s'est dit, je vais changer la façon de faire Dawa. Je vais inventer une autre façon. Ou alors il est resté sur le chemin qu'Allah l'a mis. Il s'est dit, peut-être que c'est le vêtement qu'il faut que j'enlève. Il faut peut-être que je me rase la barbe. Il faut peut-être que je fasse. Peut-être qu'il ne faudrait plus que je parle de Tawhid. Mais je commence à leur rentrer par autre chose. Je viens, je leur dis pourquoi on ne ferait pas ça, pourquoi on s'est réunis avant pour ça, et leur parle de Tawhid. J'entends un mot, après je leur parlerai du Tawhid. C'est quoi ces manigances? C'est quoi ces manières de faire, hein? Moi, on va organiser un match de foot. Ouais, non. Vous voulez jouer, allez jouer. C'est un bon gars. Hein, vous n'avez rien à faire, vous voulez faire un match, allez faire un match. Non, c'est Dawa. Depuis quand c'est Dawa un match de foot? Depuis quand un match de foot, c'est Dawa? Hein. Après c'est quoi? C'est le cinéma, c'est le théâtre, après c'est et ainsi de suite. Dalal mobile. Un dalal, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et il te ramène des amis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré, il y avait Abu Bakr qui est entré, il a vu deux filles qui étaient en train de chanter le jour de l'Aïd. Il les a disputées. Fassam lui a dit, arrête Abu Bakr, laisse-les. Chaque peuple a une fête, et ça c'est le jour de notre fête, que les Yahoud sache qu'il y a dans notre religion une simplicité. Et ils disent, alors tu vois, et de ça on comprend quoi? Donc ça c'est les croyants, comme ils comprennent les textes, ils les comprennent comme ils les veulent d'abord, hein. Il faut faire des groupes, hein, des groupes, le groupe salam alaikum, le groupe je ne sais pas quoi, hein, costume cravate et bien rasé de près, d'accord, hein, et faire des autographes aux sœurs, hein. Allah al-Musta'an. Ah oui. Et comment ça s'appelle? Et puis les disques qui sortent, et puis les cassettes elles sortent et tout. Hein? Allah al-Musta'an. C'est ça? C'est quoi le délit de ça? C'est ça. Allah al-Musta'an. Voilà comment on fait. De ça on en est arrivé là. De ça on en est arrivé là. Au lieu de se contenter de ce qu'ils ont dit les ulama sunnah. Ceux qui réellement eux comprennent les textes. Ceux qui réellement comprennent les textes. Allah al-Musta'an. وما ذاك إلا لعدم طلبهم للعلم النافع. Tout ceci parce que ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas cherché la science bénéfique. Tout ceci parce qu'ils n'ont pas cherché la science bénéfique. وسؤالهم لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. Et parce qu'ils n'ont pas questionné les gens de science parmi أهل السنة والجماعة. فلا بد لك أيها التائب وفقك الله. Donc il est une obligation pour toi qui te repens min talabil ilmi an nafi'a, de demander la science bénéfique. Li'annahu huwa alladhi yusahhihu tawbatak, car c'est lui, c'est elle, cette science bénéfique qui corrigera, qui corrigera et qui nettoiera aussi ton repentir. Wa yuqawwim masarak, et qui te mettra sur le bon chemin. Et qui te mettra sur le bon chemin, qui te corrigera même dans la prise du chemin. Fabihi taslamu min ash-shubuhat wal mazalaq. Avec ça, tu seras à l'abri. Tu seras à l'abri, épargné des ambiguïtés. Et tu seras à l'abri des glissades. Maintenant, tu ne glisseras pas. Tu ne dévieras pas. Watanju min ash-shibak wal masail. Et tu seras aussi à l'abri, épargné. Tu seras sauvé aussi des filets. Des filets des chasseurs. Hein? Ceux qui essayent de te faire sortir de manhaj salafi. Quand ils lancent leur filet, tu ne tombes pas dedans. Bi'iznillahi wa tawfiqi, ceci par la volonté d'Allah et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-adilla ala fadli al-ilmi wa ahlihi fa innaha kathiratun mashhuratun. Mais en ce qui concerne les arguments et les preuves sur le bienfait et le mérite de la science, il y en a beaucoup et qui sont connus. أَذْكُرُ مِنْهَا مُذَكِّرًا. Je cite seulement comme rappel. بِقَوْلِهِ تَعَالَى, la parole du Très-Haut, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah témoigne, ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science, et ceux qui possèdent la science, qu'il est le droit, le juste, celui qui juge avec droiture et justice. Point de Dieu, point de divinité j'adore en vérité si ce n'est lui, le puissant, le sage. وقوله تعالى, bien sûr, traduction, ce sont des traductions approchées des versets coraniques. Ce sont des traductions approchées des versets coraniques. Mais le verset en lui-même ne peut être compris qu'en arabe réellement. وقوله تعالى, et la parole du Très-Haut, إنما يخشى الله من عباده العلماء. Certes, parmi ses serviteurs, ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. وقوله تعالى, et la parole du Très-Haut, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont la science de plusieurs degrés. وقوله تعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم, et la parole du Très-Haut dans laquelle il fait les éloges sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, bima anzala alayhi min al-kitab wa al-hikma, pour ce qu'il a fait descendre comme livre et sagesse. Et comme le dit l'imam Shafi'i rahimahullah, al-hikma dans le Coran c'est la sunna. Al-hikma dans le Coran c'est la sunna. Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle fait partie aussi de la révélation. Wa ismatihi min idlal an-nas lahu. Et qu'Allah lui a donné l'infaillibilité, l'a préservé de l'égarement des gens. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Donc là, et si ce n'était pas le bienfait d'Allah sur toi et sa clémence, sa miséricorde, et une partie de ces gens, les mouchriquins, ont voulu, avaient l'intention, avaient envie de t'égarer alors qu'ils ne font que s'égarer eux-mêmes. Alors qu'ils ne font que s'égarer eux-mêmes. Et ils ne pourront pas te nuire. Et Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et le bienfait d'Allah sur toi était vraiment grandiose. Était vraiment grand le bienfait d'Allah sur toi. فإذا عرفت أيها التائب أهمية العلم وفضله lorsque tu as su, ô toi qui te repens, l'importance de la science et son mérite, وخطر إهماله et le danger de le délaisser, de son délaissement, فاعلم أن أول ما تبدأ به من العلوم هو, sache que la première des sciences que tu dois commencer, c'est le troisième conseil. Donc là on voit bien le mérite de la science et des savants. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dans cette sourate, le premier verset, où Allah dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Jusqu'à la fin, où Allah lui dit à la fin de ce cinquième verset, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. La science, lorsqu'on parle de science, on parle de la science qui est enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette science-là qu'on parle, cette science religieuse. Celle par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء ليستغفرون لطالب العلم وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. Celui qui prend un chemin pour y chercher une science, Allah lui en facilite un vers le paradis. Et tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demande à Allah de pardonner aux chercheurs de science. Et les anges posent leurs ailes pour le chercheur de science, pour l'étudiant de science, par agrément de ce qu'il fait. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar et ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'a prise a pris d'une grande part. Qu'est-ce qu'il a laissé le professeur Sallam en héritage? La science. C'est quoi la science? Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma yatamassakum bihima kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati. Il n'a pas laissé la philosophie. D'accord? Donc les diplômes de philosophie, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller en sharia. D'accord? C'est avec Ramadan, il vient, il te double en quoi? Tu doubles en philosophie, tu gardes ta philosophie pour toi. Nous, c'est qala Allah, qala Rasulullah. Tu gardes ta philosophie pour toi. Mais ce n'est pas la peine. C'est pas parce que dans l'histoire, il y a eu tel musulman qui a fait ça ou qui a dit ça, ou que dans les communautés musulmanes, il ne s'est pas fait ça ou il ne s'est pas fait ça, que c'est ça légitime une règle religieuse. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi un dalil. C'est quoi une preuve? Une preuve, c'est un verset coranique, un hadith du prophète sallam, et bien sûr avec la bonne compréhension. C'est ça un dalil. Mais le fait de dire en telle année il s'est passé ça, ça c'est pas un dalil. Par exemple, il est permis à une femme de gouverner. Pourquoi? Parce qu'on a découvert qu'à une certaine période, il y a une femme qui avait été reine dans un pays musulman. Ça c'est un dalil. Ça c'est un dalil pour les Orientaux, pas pour nous les musulmans. Parce que eux chez eux, c'est comme ça qu'ils jugent. Tant que chez les musulmans il s'est passé ça, donc c'est une preuve comme quoi c'est autorisé. Pourquoi aujourd'hui vous voulez pas alors qu'à telle époque il y a eu? Ben, ça c'est pas un délit. Ou alors par exemple, on a le droit de la philosophie. Pourquoi? Tu ne savais pas qu'un tel et un tel étaient des grands philosophes? Ça c'est pas un délit. Ça n'a jamais été un délit. Nous les musulmans, le délit, C'est qala Allah, qala Rasulullah. Ça, c'est la façon d'enseigner dans les universités en Europe, lorsqu'ils enseignent la civilisation islamique. Ils apprennent un peu comment ça se passe chez les musulmans, quel est, comment il est le droit en islam, et ainsi de suite. Et ils ramènent ce genre de choses comme preuve. Et certains vont répéter comme ça. Ça, ce ne sont pas des preuves. Les preuves, c'est les versets coraniques, c'est les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la bonne compréhension de ses prédécesseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé tout ça là. Tout ce que vous entendez là aujourd'hui, chez certains qui prêchent et qui parlent, il a laissé quoi? Le livre d'Allah et la sunna. Allah est celui qui parle avec la parole d'Allah. Et qui parle avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui est venu avec la vérité. Celui-là, il est venu avec la vérité. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه كما قال ابن القيم رحمه الله la science c'est Allah a dit son messager a dit les compagnons ont dit et la parole de Cheikh رحمه الله qu'on a cité c'est ابن القيم hier كل العلوم سوى القران مشغله كذا الحديث والفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسوس الشياطين la science toute science en dehors du Coran du hadith du fiqh est une perte de temps. La science, c'est lorsqu'il est dit, il m'a été rapporté. C'est-à-dire d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est en dehors de cela, ne sont que des suggestions de Satan. Donc c'est pour ça que le musulman se doit d'apprendre le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La science a un grand bénéfice. Man yuridi Allah bi khayran, yufaqihu fi din. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Avec la science, tu connais ton Seigneur et tu peux encore plus te rapprocher de ton Seigneur et tu crains plus ton Seigneur. Mais avec l'ignorance, tu fais c'est tout le contraire. Avec la science, tu adores Allah sur une certitude, tu adores Allah sur une clairvoyance, alors que l'autre personne est dans l'ignorance. La science est une lumière et l'ignorance ce sont les ténèbres. Et l'ignorance ce sont les ténèbres. Et c'est pour cela que le musulman se doit d'apprendre sa religion. Surtout les bases de sa religion, ce qui n'est pas permis à un musulman d'ignorer. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, comme a dit le prophète. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Surtout le minimum qui est demandé à chaque musulman de connaître et qui ne lui est pas permis d'ignorer. De connaître sa croyance et son dogme, de connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de connaître sa prière, étant donné qu'il a la 5 fois par jour, les règles d'Allah, tout ce que cela demande. Lorsque pour jeûner pour le mois de Ramadan, de connaître les règles du mois de Ramadan, s'il veut faire le pèlerinage, qu'il connaisse les règles du pèlerinage. Et à chaque fois qu'il veut entreprendre quelque chose, qu'il apprenne avant de. Et Allah dit dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li zambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Tu lui demandes pardon pour toi ainsi que pour les croyants et les croyants. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah, il dit dans son sahih, bab al-ilm qabl al-qawl wal-amal wa al-dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Chapitre, la science avant la parole et l'acte. Et comme et pour preuve, il y a la parole divine où Allah subhanahu wa ta'ala dit, sache que lui n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Donc il faut le savoir avant la parole et avant l'acte. Et c'est pour ça que le musulman se doit d'apprendre. Et surtout, il commence al-ahammu fal-aham. Du plus important à l'important. Et tout est important dans l'islam. Mais il y a plus important que important. Comme il disait Cheikh Al-Albani, il avait l'habitude de répéter cette parole. Al-ilmu in talabtahu kathiru. والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم فالأهم فقدم الأهم منه فالأهم. La science, si tu la demandes, elle est immense. Et la vie, pour l'almacé, est courte. Fais passer le plus important au plus important. Fais passer le plus important au plus important. Sache que tu ne pourras jamais tout amasser. Lorsque tu as su ça, tu fais passer. Et sache que ta vie, elle est courte pour ramasser tout ça. Toute cette science qu'il y a. Donc, fais passer le plus important au plus important. C'est une honte de voir quelqu'un qui te dit, moi je suis pratiquant depuis tant d'années, et qui te dit qu'il s'intéresse à cela depuis tant d'années, et dans certains domaines tu le vois, il est à fond dedans et il peut te le développer. C'est des connaissances qui sont futiles, qui n'ont aucune utilité, aucun bénéfice, et même si elles avaient un bénéfice, c'est sans plus. Et dans les choses importantes, tu lui dis sur Tawhid, sur Salat, il n'est pas capable de pouvoir dire quelque chose. Il n'a jamais prêté attention à ça. Jamais il a donné de l'attention. Jusqu'à ce que vous trouvez, par exemple chez les Ikhwan, quand les jeunes, ils ont trop entendu Tawhid, Tawhid, Tawhid, et ils viennent, et ils veulent pas lâcher les Ikhwan, ils viennent dire, oui, mais quand même, ils ont raison les autres. C'est vrai que nous, l'enseignement, on n'étudie même pas de Tawhid. Bon, bon, d'accord, d'accord, on va vous faire du Tawhid. C'est quoi cette manière? Genre, vous avez trop embêté, bon, c'est bon. Comme si un enfant il crie trop, bon c'est bon, je vais te donner quelque chose. C'est quoi cette manière? C'est ça le respect du Tawhid. Et en plus de ça, cette personne-là, c'est pas à toi de l'enseigner. Si eux ils ont demandé le Tawhid, toi t'es pas capable de l'enseigner. Toi que si tu connais à part nous parler du Parti communiste ou nous parler de je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu sais toi sur le Tawhid? Et c'est pour ça que ces gens-là, quand ils disent, les autres ils viennent ils disent, c'est bon, on a des cours de Tawhid, mais ils comprennent rien à Tawhid. Pourquoi? Parce que celui qui leur donne le Tawhid, il connaît rien à Tawhid. Enfin, que tu chèques, là il y en a, celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas donner. Et ça ne sert à rien qu'il se force à donner. Non, vous n'avez pas de compétences. À Tawhid, il y a des savants pour Tawhid. Il y a des gens qui ont étudié Tawhid réellement et qui savent la valeur du Tawhid. C'est eux qui savent le donner. Un livre, tu peux le donner à qui, n'importe qui. Et s'il sait lire, il peut le lire aux gens. Mais d'une personne à l'autre, c'est différent. Là, il y a des personnes qui le sentent, qui vivent la chose. Des personnes, c'est froid. Comme ceux qui liraient la sirah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'ils disaient la vie de Napoléon, je ne sais pas qui. Ça n'est rien. À l'école, oui, on a vu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est sans plus. Alors voilà, c'était un homme, voilà, voilà, c'est sans plus. Il n'y a pas, ils ne vivent pas. Il y a une différence. Parce que, et des fois, quand vous sentez, il y a de la main lorsqu'il vous parle de quelque chose, vous sentez que la personne, elle vit la chose. Elle lui donne de l'importance. Ça n'a rien à voir. Et ces gens-là, ça ne les intéresse pas. Donc c'est pour ça l'importance. Et celui qui peut directement aller chez les grands savants, qu'il aille directement chez les grands savants. Qu'il aille directement chez les grands savants. Et qu'il reste en contact avec eux et qu'il apprenne de chez eux. Celui qui ne peut pas, qu'il va chez leurs élèves. Ceux qui sont juste en dessous. Hein, en science. Pour apprendre chez eux. Et ainsi de suite. Et ne négligez jamais. Ne méprisez jamais. Apprenez. Que vous pouvez apprendre après même. Mais en affluence, elle ne se prend que chez les gens justes. Elle ne se prend que chez les gens qui sont dans la droiture. C'est pas le premier venu comme ça, on y va. Parce que dans le fond de lui que ça, il ne prend pas autre chose. Qui t'a garanti? Il ne va pas te faire rentrer ce qu'il veut dans son, dans tel cours, dans tel cours. Même dans un cours d'arabe, il est capable de faire rentrer sa croyance. Même dans un cours d'arabe, il peut te le faire. Et moi, c'est ça qui m'étonne. Un frère, il est parti étudier à Bidine. Il revient, il a des idées un peu louches. Il revient, pas tous, hein. Mais bon, ça, c'est un cas qui est arrivé. Il revient avec des idées un peu louches. T'as été chez tel chir? Non. T'as été chez tel chir? Non. T'as été en visite à tel chir? Non. Non, moi, j'ai pas le temps, tu vois, moi, je suis débutant en Jamia, je fais des cours d'arabe pour les non-arabisants. C'est les premières années, c'est les cours d'arabe. Et j'ai un chir, je fais le Coran. Excuse-moi, à toi. Si tu fais que ça, d'où t'as ces idées? D'où t'as ces idées? C'est pas possible, le cours d'arabe t'as pas ces idées là. On le met de côté, le Coran t'as pas ces idées là. On le met de côté. D'où t'as ces idées? Si tu me dis réellement que t'as pas eu le temps d'aller chez le LMA parce que t'es occupé à apprendre l'arabe, tu connais pas bien, t'apprends l'arabe et parce que t'as des cours de Coran, t'en profites pour apprendre le Coran. Bon. Soit. Mais ne viens pas avec des idées toutes louches. Les idées toutes louches, ils veulent pas. Parce qu'ils savent bien que s'ils sortent les noms, les gens ont honte des hizbis, ça et tout. Mais ce n'est pas évident de dire j'étais chez tel chir reconnu, mais là les soldats. Ça, c'est, on s'en vante. Mais eux, ils savent que les noms qui vont sortir, c'est des noms d'inconnus. Majahid, ça s'appelle Majahid. Inconnu. Inconnu au bataillon. On n'a jamais entendu parler de ce nom-là. Hein? Et ils ont peur qu'on l'appelle les Mashiach. C'est qui un tel? Ah, un tel, c'est quelqu'un, voilà, voilà, voilà comment il est. Et ça, ils ne le citent pas. Et il faut croire, non, moi je fais que ça, que ça, que ça, mais tu t'en, il s'empêche pas d'aller rapporter. Mais comment, comment ça se passe ça? Il arrive, il prend quelques jeunes, il leur dit des choses. Mais les jeunes, ils vont le dire après. Et après, ça vient à tes oreilles. Et après, ça vient à tes oreilles. Et c'est pour ça que Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, min al-tabi'in, et sa parole, elle est dans, dans le Muqaddima de Sahih Muslim, rahimahullah, il dit. إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Ça, c'est important de savoir de qui on prend notre religion. Et les frères qui veulent prendre des cours se renseignent sur la personne. Se renseignent sur la personne. Ou alors ils vont voir des personnes compétentes qui puissent savoir qui est cette personne. Ou ils posent des questions à ceux qui connaissent cette personne. La personne qui va à l'étranger, qu'elle se renseigne, là où elle va, c'est qui elle va étudier. Si elle n'a pas trouvé, elle appelle les savants. Est-ce que vous connaissez telle école ou tel shir dans telle région, dans tel pays? Est-ce que vous nous conseillez d'y aller? Il ne faut pas chacun se dise, moi je suis un cobaye. Je vais, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Oui, ils sont, on te perd. Et tu reviens, et c'est fini, on ne peut même plus te corriger les ambiguïtés que tu viens avec. Pas besoin de faire, il y en a, genre, c'est des essais. J'essaye. Je vais aller voir là-bas, je reviens. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou alors moi-même, je vais voir. Et là, ils ont une confiance en eux. Mais moi, elle fait peur. Elle fait très peur. Il croit que ça y est, c'est bon, il a tout ce qu'il faut pour. Il y en a qui ont de la science, ils sont tombés dans les ambiguïtés. Ils ont de la science, ils ont étudié, ils sont diplômés, ils ont étudié, c'est des grands chers. Mais ça n'a pas, ça ne les a pas empêchés de tomber dans les ambiguïtés. Enfin, il faut demander à Allah Azza wa Jalla de nous préserver de tomber dedans. Abdurrahman Abdul Khalik était le camarade de classe avec Cheikh Rabia. Ils ont eu comme professeur Cheikh Abdul Mahsin Al-Abbad, ou Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Shankiti. Que des grands ulama, ils ont eu comme professeur dans les matières. Alors, il vient et tu dis, toi, tu étudies chez qui? Moi, mon professeur fait le hadith, c'est l'Albani. Et fait le tafsir, c'est fait l'Ossoul, Shankiti. Ou fait l'Aqila, c'est Cheikh Ibn Baz. Ou fait le fiqh, c'est Cheikh Abdul Mahsin Al-Abbad. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Moi, je te dis, mon professeur, c'est qui? C'est grave pour vous dire le danger. Ça n'a pas empêché que ça a été une des têtes de l'Hezbiya. Il y en a combien qui ont étudié chez Ibn Azamin, chez Cheikh Ibn Baz ou chez Cheikh Al-Albani, et on les a perdus. Et qui ont de la science, ils ont du bagage. Mais Allah les égare sur une science. Il y en a qui sont égarés. Il y en a qui sont égarés par ignorance, il y en a qui sont égarés sur une science. Allah leur donne, mais ils dévient cette science. Ça, c'est important. Et sur ça, moi, je comprends pas des gens qui se bataillent. Qardawi, c'est un alim. Non, c'est pas un alim. Allez, c'est un sir, c'est un alim. Il y a un problème. Mais on ne prend pas des gens. On va bien se batailler. On ne prend pas des gens parce qu'ils ne savent pas dire ulama ou parce qu'ils ne savent pas expliquer les siens. Non, même s'ils connaissent. Mais c'est parce qu'ils ont dévié de droit chemin du prophète. Qu'ils aient de la connaissance ou qu'ils n'en aient pas. La question n'est pas là. Ça, c'est un point essentiel à savoir. Et c'est pour cela qu'on apprend, non pas pour discuter avec les gens, non pas pour aller taper des débats, parce que là, c'est ça leur niya. La niya pour apprendre, c'est taper des débats. De pouvoir tout le temps dans les majlis, pouvoir, ah ouais, tout le temps, c'est moi qui dis rien, je peux rien dire et tout. Allez, je vais l'apprendre, comme ça, moi aussi, j'ai ma part aussi. Non, non, c'est pas ça la niya. La niya, tu apprends pour te préserver et pour mettre en pratique. La science, elle va avec la mise en pratique. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat. L'amal. Et puis après, tu appelles comme tu peux à ce que tu sais. Et tu l'enseignes à ceux que tu peux, à tes proches et ainsi de suite. Et après, tu patientes sur toute difficulté ou tout mal qui pourrait te venir dans ton chemin. C'est ça qui était demandé. Et donc, quand on va quelque part, on demande. Tu vas dans tel pays, tu demandes. tu vas dans telle région, tu demandes. Et là, il faut demander aux ulama. Il faut demander. Et aujourd'hui, l'époque dans laquelle on vit, il y a des coins, il y a des régions, alhamdoulilah, où il y a des possibilités de pouvoir apprendre, plus ou moins. Mais il y a quand même un minimum d'apprentissage qui peut être pris pour quelqu'un qui a de la patience et qui cherche vraiment. C'est lui, alhamdoulilah, quelqu'un qui peut aller en Arabie. Alhamdoulilah, il y a ce qu'il faut. Il peut y aller. Alhamdoulilah. Mais en regardant bien de qui il prend et en se renseignant. Et alhamdoulilah, au Yémen. Alhamdoulilah. Et toujours en se renseignant chez qui tu vas. Alhamdoulilah, il y a des structures, il y a des écoles là-bas où la personne elle peut apprendre. Au Maroc, il ne faut pas aller chez le Marraoui. Marraoui, les ulama ont parlé sur lui. Et ils ont montré ses erreurs et les déviations qu'il a. Et il leur avait promis qu'il allait faire Tawba, et on ne l'a jamais vu. C'est tout le contraire qu'on a vu. Et ce n'est pas à nous de juger est-ce qu'un tel est revenu ou n'est pas revenu. C'est les ulama qui jugent. C'est les ulama qui jugent. C'est pas toi qui vas lire le livre comme certains font. Non, lis-toi et regarde toi s'il est revenu ou pas. Bon, mais qui on est nous? Qui on est nous? Il se pourrait que je me fasse prendre par son écriture et puis je crois. Non, c'est les ulama. C'est eux qui vont juger. C'est pas nous. Chacun son domaine. Chacun sa capacité. Ça, c'est le domaine des ulama. Mais par exemple, les frères qui veulent aller au Maroc, ils peuvent aller, Inch'Allah, t'entendre. Attends, alhamdulillah, il y a des frères, alhamdulillah, qui donnent des cours de Coran, des cours d'arabe, des cours de religion, alhamdulillah, surtout pour les gens d'Europe et tout, ça ne demande pas plus. Ça ne demande pas plus, alhamdulillah, quelqu'un, il y a des cours de minhaj, alhamdulillah, et alhamdulillah, là, ils ont une maison qu'ils louent, et ils s'en servent comme dar al-hadith, et inshallah, le temps qu'ils ont un terrain, ils veulent, inshallah, bientôt l'acheter, dès qu'ils ont la possibilité de l'acheter, et construire un dar al-hadith, Inch'Allah, en faire une mosquée et puis une école. Et alhamdulillah, il y a des frères qui sont là-bas. Moi, j'y étais il n'y a pas longtemps parce que je suis originaire de là-bas. Mais j'ai vu qu'il y avait à peu près une vingtaine de frères de France. Il y avait deux frères des États-Unis. Il y avait un frère d'Angleterre qui était déjà là-bas. Et il y avait des mecs qui sont avec leur famille. Il y en a même qui ont acheté leur maison. Alhamdulillah, qui se sont installés. Alhamdulillah. Et ceux qui peuvent aller ou qui veulent aller, qu'ils y aillent, Inch'Allah, voir de leurs propres yeux. Inch'Allah, il y a des structures qui sont en train de se faire, alhamdoulilah, et ils ont toujours des contacts avec les ulama en Arabie, surtout avec Cheikh Rabir, qui lui-même en personne les appelle pour prendre un peu de leurs nouvelles, de savoir où est-ce qu'ils en sont, alhamdoulilah. Donc voilà quoi, un état à titre d'exemple, il y a des endroits, il y a des tulab al-ilm mutamakkinin qui ont de la science, hein, mais qui n'ont, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'école. Par exemple, il y a des frères, ils veulent aller en Jordanie, il n'y a pas d'école, c'est pas connu. Puis les machères qui sont en Jordanie, ils n'ont pas encore fait de structure pour donner des cours aux jeunes. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup de frères qui sont partis, ils sont revenus, ils n'ont pas trouvé. Même en Égypte, il n'y a pas beaucoup de choses. Quand il y aura, on verra bien, Inch'Allah. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Mais là, je vous ai parlé des endroits où il y a des structures pour pouvoir apprendre. Ah, mais celui qui va aller visiter un chir, qu'il y aille. Mais il ne faut pas qu'il reste, il n'y a pas de cours. Vous avez compris ou pas? Il y a des endroits où il y a des chirs, où il y a des tulab al-ilm mutamakkinin, mais il n'y a pas d'école, il n'y a pas de structure. C'est ça que je veux dire. Voilà. Un mètre seulement de voir le chir, histoire de voir, c'est pas ça que tu cherches. Tu n'as pas payé un billet d'avion, et tu n'as pas fait le hijra, et tu n'es pas parti de ton pays pour faire tulab al-ilm pour seulement voir. Tu es parti pour apprendre. Et ça, c'est important. Et parfois, il y a des chirs, ils donnent des cours. Dans une mosquée par exemple, à des élèves, mais c'est à des étudiants qui ont déjà un certain niveau. Et toi, ça ne sert à rien. Toi, tu es arrivé, c'est pas pour toi. C'est pas ton niveau. Et t'es pas là pour t'asseoir parce que j'étais assis à tel majlis. C'est pas ça que tu cherches. Tu cherches à apprendre et à avancer. Donc, chacun doit aller aussi avec son niveau. Comme dit Ibn Abd al-Barr, Rahimahullah, talab al-ilmi, marahil wa manaqib, la yajouzu ta'addiyaha. La recherche de la science, ce sont des étapes et des degrés qu'il ne faut pas sauter. Et celui qui n'applique pas cela s'en est pris à la voie des puits prédécesseurs. C'était comme ça qu'ils étaient les prédécesseurs. Tu apprends le Coran, tu apprends ça tout doucement. Et ça, c'est ça. Ibn Abbas, les écarts Rabbani. Rabbani, c'est qui? Allah, qui yu'allimu nasa. sigara l'ilmi qabla kibarihi. Ce qu'il rabbani, c'est lui qui enseigne aux gens la petite science avant la grande science. La petite science avant la grande science. Les gens de la masse, vous faites la différence. Dans certaines cassettes, il y a des douloureux, ils sont super durs. Il y a beaucoup de termes. C'est dur à comprendre. Et des douloureux, c'est super simple à comprendre. Pourquoi c'est pas, les assises, elles ne sont pas pareilles. Et une assise, elle est faite avec des toulab al-ilm qui ont un certain niveau de science. Hein, et qui comprennent les terminologies, et qui comprennent, ils ont des notions et tout. Ils n'ont pas besoin de poser. Quand ils entendent le nom d'un alim d'Achir, ils savent c'est qui. Quand ils entendent un terme, ils savent que chez les fuqaha, il a ce sens-là. Que chez les ulama du hadith, il a ce sens-là. Que chez les ursuliyyin, il a ce sens-là. Il y a des termes. Tu sors d'une matière à une matière, ils changent de sens. Des termes, ils changent de sens. Ça, mais dans un majlis, non, c'est pas le cas. C'est un majlis de gens de la masse, des gens qui travaillent à droite à gauche, et qui viennent à la mosquée s'asseoir, il y a un dars. Et le chef de l'ordre, il va parler un langage qui est adapté à ces gens-là. Qui est adapté à ces gens-là. Un langage facile. Hein? Et c'est dû à ça. Ça, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui est compréhensible. Mais si toi, tu viens t'asseoir dans une assise qui est. Et même des fois, il y a des assises où l'Allemagne n'accepte pas certaines personnes. Il dit non, ça c'est pas pour toi parce que c'est pas ton niveau. C'est pas de ton niveau. Voilà, t'as vu le chef, il veut pas que je m'assoie et tout. C'est pas toi. Lui, il voit. Il te voit le bien pour toi. Et il sait que ça va te faire plus de mal que de bien. Tu vas être là, oh, c'est quoi ce truc-là et tout. On comprend rien du tout. Hein? Et voilà, tu sors. Ouais, mais c'est ça. Combien de fois ça arrive à des gens, ça leur arrive ces genres de choses. Ils sont assis, même des fois, et là ils sont intelligents. Lui-même il prend ses bagages et puis il sort. Il dit, oh, ça sert à rien, je reste assis, je comprends rien du tout à ce qu'il est dit. Et là, et ça, ça arrive. C'est pour ça que savoir, ça sert à rien de dire, moi, ou alors par exemple, je sais pas, il y en a un, par exemple, on lui dit, va-toi à tel niveau. Et puis d'autres vont aller à l'autre niveau. Ils disent, oh, la honte, ils vont croire que je connais rien et tout. Je me faufile et je rentre avec les autres dans leur classe et tout. C'est pas ça qui est demandé. Wallah, oui, non. Ah, tu connais pas? Non, je connais pas. Moi, c'est ça mon niveau. Voilà. Alhamdulillah. Si tu caches le genre, tu peux pas le cacher à Allah Azza wa Jal. Wa man tawada'a lillahi rafa'a. Et celui qui est modeste, qui a de la modestie pour Allah, Allah l'élève. Je souhaite qu'Allah l'élève. Hein? Vous avez vu le soleil se coucher? La mer, vous avez déjà vu? La mer, il y a l'horizon, le soleil se couche. Il se couche. Il va en dessous de l'eau? Ou le soleil, il est bien au-dessus du ciel? Il est où le soleil? Au-dessus du ciel. Alors qu'on le voit se coucher. Et la fumée qui sort lorsque l'eau, elle est chaude, elle sort. Après, plus rien. Voilà. Vous avez compris? C'est ça la modestie. La modestie, c'est très très important. Tel quelqu'un de modeste. De prendre les pieds et de les laisser sur terre. Et arrêter de prendre des ailes. Hein? Non, ça c'est grave. C'est pour ça, c'est des conseils qu'on donne aux frères, surtout lorsqu'ils sont et ils veulent apprendre. Parce que là, alhamdoulilah, on se donne des conseils entre nous. On essaie un peu de savoir le droit chemin. On essaie un peu de faire aimer la science aux gens. De faire aimer les ulama aux gens. Alhamdoulilah, pour qu'après ils aillent apprendre. Qu'ils aient à apprendre leur religion, qu'ils aient à apprendre leur aqidah, qu'ils aient à apprendre leur pratique religieuse, qu'ils aient à apprendre, pour qu'ils soient épargnés de toute déviation et de tout égarement. C'est ça qui est demandé. Et aussi de faire la différence entre le ulama et ton ablaïm. Ça, c'est important. Et ce n'est nullement un dénigrement de quelqu'un, d'une personne ou de l'autre. Mais c'est seulement remettre chaque chose à sa place. Et c'est ça le hikmah. Al hikmah wad'u shayfi mourda'i. C'est de poser chaque chose à sa place. C'est ça le hikmah. La hikmah, c'est pas tout le temps d'être comme ça. Hein? Tu me dis ça? Non, mon frère. C'est pas ça le hikmah. Le hikmah, c'est pas tout le temps d'être dur. Non. Tu es dur quand il le faut. Et tu es doux et tendre quand il le faut. Tu parles quand il le faut. Tu te tais quand il le faut. C'est pas l'autre, il y a une bizarre qui passe. Il passe devant lui. Il dit comme ça. Il dit jamais rien. Et puis les gens disent, toi, lui, machin, il y a de la hikmah. C'est pas ça le hikmah. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas le hikmah. Le hikmah, c'est de parler quand il le faut. Et de se taire quand il le faut. Pour ça, c'est important de même les termes, de savoir leur vrai, véritable sens. Parce qu'on leur fait donner un autre sens qui n'est pas leur véritable sens. Et ça, c'est important. C'est important que les frères le sachent. Les ulama, kibar ou ahli al-ilm. Et il y a les tulab al-ilm, al-mutamakkinin. Il y a des gens. C'est pas voulu, mais c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils ont compris. Des fois, beaucoup de personnes, c'est qu'il y a la main, ils citent des noms, des tolab al-ilm, et ils les mettent avec les ulama. Alors quand il y a un problème comme le problème d'Afghanistan, hop, ils appellent les Tolab Laïm. Excusez-moi, ce genre de questions, on n'appelle pas les Tolab Laïm pour ces questions-là. C'est pour ces questions-là on appelle les ulama. Une histoire de sang, une histoire de peuple, une histoire de guerre. C'est pas une histoire simple à prendre comme ça. Ça n'est que les ulama qui rentrent dedans. Et c'est eux qui sont aptes à pouvoir juger ces questions-là. Il y a des questions, on ne demande pas comme ça à n'importe qui. Le talib al-ilm, si Inch'Allah il avance bien, peut-être qu'il atteindra le degré. Mais pour l'instant, il est au stade de talib al-ilm, au tabaki. Il ne faut pas mélanger. Et des fois, les gens comprennent mieux avec des noms qu'on connaît aujourd'hui. Mais quand on cite des noms, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux. Mais ça veut dire quoi? C'est les noms de ceux qu'Allah a permis qu'on connaisse. Il se pourrait qu'il y a des grands savants, mais qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Qui sont dans des régions, dans des pays musulmans, mais que nous, on ne connaît pas. On n'est pas obligé de connaître tout le monde. Et Allah ne donne pas... Allah, à certaines périodes, il fait que certains savants sont connus, et d'autres ne sont pas connus. Alors quand on vous dit, Ibn Taymiyyah dans son époque, dans tout le monde musulman, il y avait Ibn Taymiyyah comme savant? Non, il y avait des savants, mais les sunna. Lakin Allah Azza wa Jal a élevé Ibn Taymiyyah et il lui a donné ce qu'il n'a pas donné à d'autres. Ça, c'est le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Il donne à qui il veut. Mais ce n'est nullement, ce que je veux dire, c'est que ce n'est nullement un dénigrement, c'est-à-dire ce n'est nullement un rabaissement, ni un mépris pour les autres qu'on ne cite pas. Et ce n'est nullement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux. Et c'est eux qu'on connaît, et c'est eux qu'on a peut-être contact avec, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ce genre de paroles? Alors par exemple, aujourd'hui on vit une époque où la majorité des ulama qu'on connaît, ou qu'on a connaissance, qui sont des ulama de sunna, et qui prêchent la sunna, et l'aqida authentique, bon, Allah a voulu qu'ils soient en général en Arabie. Ils auraient pu être dans un autre pays. On cite même des noms d'imams et d'ulamas d'auparavant, ils ne sont pas tous d'Arabie. L'imam Bukhari, il est d'Ouzbékistan. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'en Arabie, en général, ils suivent son mazhab, l'imam Ahmad ibn Hanbal, il est de Bagdad. Il est d'où? De Bagdad, en Irak. Ça, c'est à titre d'exemple. Ibn Taymiyyah, il est d'où? Et Ibn al-Qayyim, il est d'où? Et Ibn Kathir, il est d'où? Ou al-Zahabi, il est d'où? Rahimahullah al-Jami'a. Ils sont tous de Damas, en Syrie. Ça, c'est à titre d'exemple que je vous donne, je vous dis ça. Par exemple, on a à Riyad, Kathir, beaucoup parmi les grands savants qu'il y a à Riyad. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un se retrouve dans cet organisme qui est par exemple un lejna da'ima que ça veut dire qu'il est à la sunna complètement. Il y en a, il se pourrait que les ulama lui reprochent certaines déviations dans certains domaines, que ce soit peut-être dans le minhaj ou autre chose. Mais par exemple, il y a Cheikh al-Fawzan, Sahih al-Fawzan, le kibari ahli al-ilm, Cheikh Abdel Aziz al-Sheikh, le mufti du royaume. Vous avez aussi Cheikh Abdullah al-Ghadayan. Ça, c'est à titre d'exemple. Vous avez aussi, par exemple, à Médine, Al-Sheikh Abdel Mouhsin Al-Abbad, le grand muhaddis de Médine. Vous avez aussi Al-Sheikh Ubaid Al-Jabiri, Al-Sheikh Salih Al-Suhaymi. Vous avez aussi Al-Sheikh Ali Nasr Al-Faqihi. Vous avez aussi, j'ai cité Al-Sheikh Ubaid Al-Jabiri, j'ai cité, Al-Sheikh Salih Al-Suhaymi, Al-Sheikh Hussein Al-Sheikh, aussi qui est à Médine. Ça, c'est un exemple aussi. Vous avez aussi à Mecca, Al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidhahullah al-Jami'. Vous avez Cheikh Mohamed ibn Soubayil. Vous avez aussi d'autres qu'on n'a peut-être pas leur nom. Et vous avez aussi dans la Mantiqat al-Jizan, qui est dans le sud de l'Arabie, pas loin du Yémen. Vous avez Al-Sheikh Zayd al-Madkhali ou Al-Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, Hafidhahullah al-Jami'. Wa ghayrahum. Ça, c'est ceux qui sont vivants encore au moment où on est en train de parler. Et parmi les Tulab al-Ilm, il y en a des Tulab al-Ilm, mais ils ne sont pas au degré de ulama au moment où on est en train de parler. Et c'est ça, c'est important. Parmi les Tulab al-Ilm, vous avez Cheikh Abdel Malik al-Ramadani, ou Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, ou Cheikh Mohamed ibn Rabi' al-Madkhali, le fils de Cheikh Rabi', ou Cheikh Abdel Razzaq ibn Abdel Mohsin al-Abbad. Vous avez aussi Cheikh Abdullah al-Bukhari, ou Cheikh Salih al-Sindi, ou Cheikh Salih al-Zubaydi. Tout cela, ils sont à Médine. Et peut-être bien d'autres. Vous avez aussi bien plus grand que Cheikh Faleh ibn Nafa al-Harbi, حفظ الله الجميع. للشيخ للشيوخ دل الأردن الشيخ سليم هلالي والشيخ علي حسن والشيخ مشهور حسن والشيخ محمد موسى نصر وزي سوي يمن الشيخ أبو الحسن المصري الشيخ يحيى الحاجوري والشيخ محمد الإمام والشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي والشيخ عبد العزيز الفراعي والشيخ صالح البكري زي سوي نجيب الشيخ أسامة قوسي et d'autres qu'on a oublié ou qu'on a pas leur nom. Ça, au moment où on parle, هؤلاء طلاب العلم على السنة وعلى السلفية. على السلفية, ça c'est dans le domaine du minhaj et de l'aqida. Peut-être que plus tard il y aura d'autres données, mais là c'est au moment où on parle, c'est les données qu'on a. Mais là où je voulais en venir, c'est quoi? C'est qu'il faut faire la différence entre les ulama et les طلاب العلم. Et c'est décevant de voir que les gens ont des liens téléphoniques beaucoup avec les طلاب العلم et ils délaissent les ulama. Et ils n'appellent pas les ulama. Ça c'est important. Ça, en premier lieu, l'ulama, il faut appeler. C'est pas possible, tu passes pas le طلاب العلم. Lorsque tu n'as pas pu avoir, l'ulama. Et eux, Inch'Allah, ils vont te faire passer le message, les paroles des ulama. Et c'est les ulama. Et ça, wallah, la personne, elle est tranquillisée, elle est dans l'abri de l'égarement et de l'erreur. C'est très très important. Et de respecter les ulama, surtout dans leur spécialité. Dans leur spécialité. Vous en avez un qui est reconnu pour être plus fort dans le domaine du fiqh, il faut le respecter dans son domaine. Vous en avez un qui est encore plus reconnu, être plus fort dans le hadith, il faut le respecter dans son domaine. Vous en avez un qui est plus reconnu dans le domaine de la connaissance des mouvements et des partis, des sectes et des du'at et des prêcheurs, vous devez le respecter dans son domaine. Le shaykh a parlé sur un da'iya et vous savez que lui il est connaisseur dans ce domaine là, vous n'avez pas rejeté sa parole par la parole d'un tel ou un tel ou un tel, parce que l'autre a parlé de ce qu'il sait, mais il n'a pas approfondi peut-être cette question là comme l'a approfondi l'autre alim. Des fois shaykh Rabia, alors que c'est un grand alim l'ahli sunna wa imam l'ahli sunna wa hamil liwa ajaf al-ta'dil, comme l'a dit shaykh al-albani rahimahullah sur lui, vous lui demandez dans le fiqh, il pourrait vous répondre. Mais vous dites, demandez à Ibn Uthaymin, demandez à Cheikh Ibn Baz, demandez. Voilà. Pourquoi? Alors il pourrait répondre, mais il préfère vous envoyer vers plus compétent dans le domaine. Plus compétent dans le domaine. Et ça, c'est une tarbiya. Et ça, c'est une tarbiya. Et ça, c'est très important que les frères fassent attention à cela. Inch'Allah, on continuera après Salat al-Maghrib. Inch'Allah, on arrêtera là, Inch'Allah. Subhanak wa bihamdik, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.